bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue au Lobster 119.0! Et non, le Lobster n'est pas mort. Moi non plus, car j'ai survécu à la COVID. Yeah, baby! Yeah. Et oui, le 13 avril, alors que j'étais en train de travailler, c'était un mercredi vers 15h l'après-midi, paf! Je suis tombé d'un coup épuisé. J'ai été m'étendre sur le divan et paf, je me suis endormi tout de suite. Donc, le soir, je me suis pas couché tard. Et le lendemain, en me réveillant, même chose. J'étais fatigué et je commençais à avoir un léger rhume. J'ai donc fait un test de COVID et boum, COVID positif. Mais heureusement, sûrement grâce à mes 3 vaccins, et je vous le rappelle, j'ai eu AstraZeneca en première dose, Pfizer en deuxième et Moderna en guise de rappel. Donc, grâce à ma triple protection large spectre de vaccins qui, mélangés tous ensemble, me protège de la COVID, du tétanos, de la porphyrie et du nanisme, je n'ai pas été trop magané par la COVID. Moi, le principal symptôme que j'ai eu, c'est des vagues d'épuisement. Ça me frappait encore quand, plus d'énergie, je devais me coucher et je m'endormais. Ensuite, grosse surprise, après environ 4 jours, sur mon comptoir de cuisine, j'ai un genre de vieux parfum en forme de lampe d'Aladin. C'est un parfum que j'ai remporté dans une foire agricole. J'avais levé la main pour miser sur un lot et pour 3$, j'avais remporté une boîte qui contenait un vieux trophée en plastique Boys Club 1974, la bouteille de parfum de fermier et d'autres cochonneries sans valeur. Donc, depuis que j'ai cette bouteille d'Aladin de parfum, je la garde sur mon comptoir et j'en respire une shot de temps en temps pour me porter chance. Et ce matin-là, je dévisse le genre de bouchon doré de ma lampe magique à parfum. Je respire une puff pour que la journée aille bien et surprise, ça sent rien. Je reprends donc une puff et ça sent toujours rien. Inquiet et ne comprenant pas, je vais dans ma chambre de bain et ouvre ma bouteille de parfum Mont Blanc pour la sentir et rien. Quoi, j'ai perdu le sens de l'odorat? Eh oui! Une des conséquences de la COVID est qu'on peut perdre l'odorat. C'est full bizarre. Je me suis mis à sentir tout ce qui est supposé sentir quelque chose dans la maison et ça sentait rien. La seule chose que j'ai trouvée qui avait une légère odeur, c'est un bocal de tomates séchées dans l'huile. C'est la seule chose qui avait une odeur dans la maison. Heureusement pour moi, cette perte d'odorat a été temporaire, ça a duré environ 3 jours et après c'est revenu. C'était un matin sur deux environ que je sentais rien et là c'est complètement réglé. Mais au départ, je dois dire que j'ai pas un super odorat, donc je pense que c'était très facile pour la COVID de m'affecter à ce niveau, car déjà en temps normal, je sens pas grand chose. Donc voilà, la COVID, la fin de mon projet de petite sculpture, tout ça explique que le Lobster ne sort pas souvent, mais je n'abandonne pas dès que j'ai le temps, je vous sors un épisode car j'aime ça, et je dois dire que ce qui a retardé ce Lobster, c'est surtout la mort de mon ordinateur. Et oui, car j'avais préparé le texte de ce Lobster 119.0 en avril. Mais mon ordi s'est mis à arrêter de charger à un moment donné. C'était pas un problème de batterie, c'était plutôt un problème de connexion à l'interne. Je l'ai ouvert pour regarder au problème, pour faire un reset direct sur ma carte mère. Bref, comme à toutes les fois que je joue aux connaisseurs informatiques, j'ai scrappé l'ordinateur. Après mes supposées réparations, il y avait encore moins de lumière qui s'allumait sur l'ordinateur. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai réouvert, j'ai sorti mon disque interne et je me suis fait venir un câble permettant de brancher le disque interne comme disque externe sur le nouveau laptop que j'ai dû aller m'acheter. Bref, j'enregistre maintenant sur un nouveau laptop sur lequel j'ai récupéré tous mes fichiers que j'avais besoin pour le Lobster. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a au menu? Bien, j'ai eu la bonne idée pour vous de prendre des nouvelles de personnes connues des années 80-90. Comment ça va aujourd'hui? Salut! Moi, je vais bien, merci. Je m'appelle Serge et est-ce que je peux vous aider? Eh bien, oui. J'aimerais voir Mademoiselle Jenny Summers. Ah, non, ce sera pas facile aujourd'hui. Vous voulez me rappeler votre nom? Je m'appelle Axel Follet. Ah oui, et à quoi ça a trait? Je suis désolé, je comprends pas. Eh bien, ça veut dire que, enfin, à quel sujet vous, enfin, vous voulez la voir? Ah oui, pourquoi je veux... Eh bien, je suis un de ses amis. Danny? Une petite minute. Et Danny, veux-tu dire à Mademoiselle Summers que Monsieur Ahmed Follet désire la voir? Non, Axel Follet. Axel. Ahmed, ouais. Axel. Follet désire la voir. C'est un de ses vieux amis. Et j'ai fait plein de découvertes en faisant ça. Et j'ai même un scoop pour vous. J'en revenais pas quand j'ai découvert ça. C'est en lien avec le film L'enfant sacré du Tibet, un super film qui mettait, je vous le rappelle, en scène l'acteur Eddie Murphy. Donc, on écoute un peu de musique au retour, dès qu'on revient, un scoop incroyable. Moi, j'étais tout bouleversé et c'était vraiment une surprise pour moi. Donc, bon Lobster 119.0. Merci Martin, merci Alex, merci Étienne de m'écouter encore et merci aux autres. Vous êtes environ une centaine à poursuivre le téléchargement quand ça sort. Donc, pour vous, tout de suite, right now, un peu de bonne musique, deux chansons du nouvel album d'Amorphis. On écoute Hollow et On the Dark Water. de retour dans le Lobster 119.0. Bon, mon scoop. Comme je vous ai dit en préambule, cette semaine, j'ai décidé de m'informer et de vous informer par le fait même sur des vedettes de notre jeunesse. Que sont-ils devenus? Donc, j'ai fait quelques recherches. Je cherchais dans ma mémoire de vieilles émissions, de vieux films. Par exemple, qui est devenu Ricardo Montalban de L'Île Fantastique? Il fait quoi? Qui est devenu le gars qui jouait le nain dans Willow? Bref, ça, je vais vous le dire dans quelques minutes. Là, mon scoop, j'ai appris de quoi de surprenant. Je le savais pas, ou si je le savais, je l'avais oublié. Je me suis demandé qu'est devenu l'enfant sacré du Tibet. Est-ce que vous vous souvenez de ce bon film avec Eddie Murphy? On écoute la bande-annonce. Eddie Murphy est de retour. Mais cette fois, il recherche un enfant disparu. L'enfant sacré. Cet enfant est très spécial, Monsieur Jarrell. Son destin est de sauver le monde. Et votre destin à vous, il est mal engagé si vous n'arrêtez pas de débloquer. Hey, je peux vous poser une question ou deux? Mais avant qu'il vous retrouve, il sera trop tard. Dans ma poche, j'ai une boîte de tic-tac. Alors pioche dedans, ça rafraîchit. Je pourrais vous détruire en claquant des doigts. En claquant des doigts? Tu sais que t'es patin. Non, pas de panique, messieurs, dames. Tenez, voilà ma plaque. Je traque les trafiquants d'antiquités volées, c'est vrai? Il est irresponsable. Un miracle. Ce serait pas un lit? Il est grossier, égoïste et en plus borné. Il faut me punir. Il faut me purger. Il faut me fouetter. Vous êtes l'être élu. Retrouvez l'enfant sacré. Eh ben, dans ce cas, je ferai de mon mieux. Oh, j'ai si peur du noir. Oh, maman, Je suis très choqué de votre attitude. Elle est très chouette, cette veste. Le sur-mesure, y a pas à dire. C'est la classe. Et ses boots, c'est à mourir. Il a le sens des réalités. Et là où il va, il en aura besoin. Ça, alors, c'est extra. Comment est-ce que vous avez fait l'espèce de cabriole, là? Tu dois porter ce verre d'eau sans en renverser une seule goutte. Et un numéro de claquette, ça vous dirait? C'est trop facile, mon truc! Eddie Murphy est l'élu. Combien de mecs ont survécu à ce test? Aucun! Quoi? Golden Child, l'enfant sacré du Tibet. Donc, mon scoop, ou devrais-je plutôt dire, c'est un fait cocasse que j'ai appris. Je suis tombé sur un article qui dit que 33 ans après la sortie du film, Eddie Murphy s'est réuni avec l'enfant sacré du Tibet. Et là, dans l'article, je vois la photo. On voit Eddie Murphy qui serre dans ses bras une jolie fille asiatique. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais l'enfant sacré du Tibet dans le film, c'est un jeune garçon. Eh bien, on a tous été eu, c'était une fille qui jouait le rôle. Jasmine L. Reed a joué le garçon. Dans la vraie vie, c'est une fille, bien sûr, et c'est donc elle qui était le sauveur de toute l'humanité dans le film. Pour moi, c'était une surprise, c'est comme si on m'apprenait que Lilou Multipass dans le cinquième élément était un gars. Je serais choqué si j'apprenais ça. Lilou Dallas Multipass. Oui, Multipass. Lilou, oui, Multipass. Et c'est ce que c'est qu'un Multipass? Lilou Dallas, ma femme, nous sommes jeunes mariés. Multipass. Vous savez ce que c'est, on tombe l'un sur l'autre, ça fait des Multipass. Étincelles. Et puis oui, et c'est ce que c'est qu'un Multipass. Et puis voilà, on s'aime. Bien sûr, c'est bien qu'elle est forte, mais elle est aussi si fragile, si humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui voudraient des nouvelles de l'enfant sacré, de Jasmine en fait, eh bien, elle a joué dans un seul film, dans L'Enfant Sacré du Tibet. Et que fait-elle maintenant? D'après ce que je lis dans un article, elle serait une personne importante. Oh! Yeah! Yeah, baby! Yeah. Dans l'industrie du film, elle serait directrice d'événements en lien avec le Festival du film de Toronto. Donc voilà pour mon petit scoop ou fait cocasse. Maintenant, d'autres nouvelles. Qui est devenu E.T.? Dans ce quartier paisible, dans cette rue tranquille, un mystère se révèle. Et une aventure commence. Je veux le garder avec moi. En 2002, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg revient dans les salles de cinéma, partout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Maison, téléphone. Ete téléphone à sa maison. Comme vous ne l'avez encore jamais vu. Avec des effets visuels intensifiés. Des scènes inédites. Et un son numérique remasterisé. Au printemps prochain, faites le voyage. Qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Allez, en route! Vivez un grand moment d'émotion quand E.T. revient sur le grand écran pour qu'une nouvelle génération découvre ce que les autres n'oublieront jamais. Steven Spielberg présente le 20e anniversaire de E.T. l'extraterrestre. Je suis toujours là. Bon. Plutôt, qu'est devenu l'acteur qui jouait E.T.? Car bien sûr, E.T., lui, il est retourné chez lui. Avant de vous dire ce que j'ai lu là-dessus, petite devinette. Qui appelait E.T. quand il téléphonait? Eh bien, d'après l'extrait que j'ai revu, c'était le numéro de Uber. E.T. s'appelait tout simplement un Uber pour retourner maison. Mais sinon, plus sérieusement, voici ce que j'ai lu là-dessus. Pardon d'avance de briser un rêve pour certains, mais non, il n'y a pas d'acteur sous le costume de l'extraterrestre. Ou presque. En fait, le héros était en réalité un animatronique ou créature robotisée. Au total, 4 marionnettes ont été créées. 3 robotisés en fibre de verre et en mousse, et une quatrième qui était en réalité une sorte de costume pesant plus de 20 kg dans lequel se glissait Pat Bilon, un acteur nain de 86 cm. Bon, déjà de savoir qu'il y a un nain impliqué là-dedans me rend heureux, et j'espère vous rend heureux vous aussi, car on va parler de nains. Bon, parler de nains, c'est comme manger une orange chaque jour, ça nous garde en santé. Donc, qu'est devenu Pat Dillon, le nain qui s'est glissé dans le costume d'E.T.? Eh bien, malheureusement, il est mort quelques mois après la sortie du film, puis lui, il est mort d'une infection du sang. Car oui, les nains, comme tous les gens, attrapent des maladies et peuvent mourir. Faut pas les catégoriser dans une classe à part, c'est comme vous et moi, mais en version mini. J'ai donc été lire la page wiki de Pat Dillon et ça dit « Il était considéré comme l'un des plus petits nains adultes des États-Unis, mais ne s'est jamais qualifié de handicapé. » Déjà là, je comprends pas trop pourquoi c'est écrit ça, car je ne vois pas le lien entre handicapé et nain. Un nain, c'est un nain. C'est pas un handicap d'être nain. C'est plus comme un cadeau du ciel. En tout cas, moi, je ne fais pas de lien entre handicapé et nain. Pour moi, c'est deux attractions de foire totalement différentes. Bon, quoi d'autre sur lui? Dans un vieil article en ligne, je peux lire Fred Skidmore, un porte-parole d'Universal Studios, a confirmé que Bilon, le nain, a joué l'extraterrestre dans E.T. l'extraterrestre pendant la majeure partie du film. Pat a fait la majorité du film, a-t-il déclaré. Il était aussi E.T. quand E.T. est apparu au Hollywood Bowl l'été dernier. Steven Spielberg, producteur-réalisateur du film, a appelé Bilon le plus grand assistant d'E.T. Bilon était passionné par son héritage ethnique. Il a animé une fois une heure de radio ukrainienne sur WKTL-FM, basée à Schroeder en Ohio. Il était actif dans l'église catholique ukrainienne Sainte-Anne à Austintown, Ohio, où il enseignait à l'école du dimanche. Bilon est décédé chez lui à 1h du matin le 27 janvier 1983 à l'âge de 35 ans et 86 cm, des complications d'une infection de sang après une crise de pneumonie. Et là, je suis sûr que vous vous êtes posé la même question que moi quand j'ai mentionné qu'il était ukrainien. Moi, dès que j'ai lu ça, je me suis demandé, s'il était encore vivant, est-ce qu'il aurait combattu dans l'armée de son pays qui est présentement en guerre? En fait, la question qu'on doit plutôt se poser, est-ce que ça existe des escadrons de nains de combat? Bon, j'essaie d'imaginer, il me semble que c'est difficile. Je viens de vérifier et un AK-47, ça mesure 87 cm et Pat en mesurait 86. Donc, le fusil de guerre est plus long que lui. Donc, les escadrons de nains ne seraient sûrement pas directement au front avec des AK-47. Si ce type d'escadron mortel existe, il serait sûrement utilisé pour d'autres missions. Par exemple, pour de la reconnaissance, il pourrait être accroché à des drones. Vous pouvez vous imaginer facilement qu'il pourrait survoler les camps ennemis pour aider à avoir plus d'informations sur les positions ennemies. Ou encore plus simple, 4 à 5 ballons de fête remplis d'hélium qu'on attache à des nains et qu'on envoie dans le ciel pour surveiller. La DBMT, la Dwarf Balloon Monitoring Team. Autre avantage d'avoir des nains dans son armée, c'est pour les cacher. Pas besoin de creuser des tranchées bien profondes. 2-3 coups de pelle de profond et c'est suffisant. Ou tout simplement de simples troncs d'arbres creux. Tu peux entrer 2 à 3 nains par arbre. Donc là-dessus, pour un déploiement tactique rapide et défensif avec des nains, t'es pas mal avantagé. Et pour le transport aussi. Car je lis que le record de personnes dans une voiture est 42. Mais ça, c'est un record pour des personnes de taille normale. Donc imaginez des nains, tu dois pouvoir en rentrer 2 à 300 dans un seul Jeep militaire. Donc, tu as quasiment ton bataillon au complet dans un seul char. Donc, déjà là, tu économises sur le gaz pour les transporter. Bon, le seul défaut de tout ça, c'est quand un des nains pogne la gastro. Comme ils sont entassés 2 à 300 dans la Jeep, tu as un bataillon complet qui va pogner la gastro, évidemment. Mais, en général, on pourrait retourner ça à notre avantage. En les laissant se faire prendre prisonniers pour diffuser la gastro dans les troupes ennemies. Bon, là, vous me direz, je suis trop dans les détails, donc j'arrête de vous révéler tous ces secrets militaires que j'ai devinés. Mais sinon, j'ai cherché pour vrai s'il y avait des nains dans l'armée, et non, sauf Gimli qu'on a vu combattre au gouffre de Helm, il ne semble pas y avoir de nains dans l'armée canadienne ou américaine. Et si vous vous demandez pourquoi, ben c'est pas à cause de leur taille. Et non, il paraît que dans toutes les armées du monde, les nains ne sont pas ennemis pour la même raison. Il paraît qu'ils sont trop faciles à localiser. C'est ça la raison qui fait qu'il n'y a pas de nains d'accepter. Car peu importe leur nationalité, ils ont tous la même mauvaise habitude de chanter cette chanson quand ils se déplacent. Voilà donc pour les nouvelles d'E.T. et autres détails passionnants que vous apprenez en écoutant ce Lobster 119.0. Et c'est pas fini! Maintenant, des nouvelles de Chef Jawa. Vous vous souvenez de ces petits personnages qui criaient dans la guerre des étoiles. Eh bien, il y avait un chef, Chef Jawa. Eh bien, j'apprends que c'est Jack Purvis qui était l'acteur nain qui jouait ce rôle. J'apprends aussi qu'il a aussi joué dans l'Empire contre-attaque sous le maquillage de Huguenot. Un humanoïde porcin nain, et il a joué dans Le Retour du Jedi sous les traits d'un Ewok du nom de Thibaut. Et un de ses hauts faits est celui-ci. C'est important pour ceux qui jouent à Trivial Pursuit édition Star Wars. C'est le seul acteur à être crédité dans les trois volets de la saga Star Wars originale en jouant à chaque fois un rôle différent. Atteint de nanisme, il mesurait 124 cm, donc c'est un très grand nain comparé à l'autre de E.T. qui en faisait que 86. Jack Purvis, il a aussi joué dans Labyrinthe, Dark Crystal, donc il a eu une belle carrière. Et l'acteur est décédé à l'âge de 60 ans, le 21 novembre 97. On écoute un extrait d'interview qu'il a donné avant sa mort. It was great! You're probably, I've never been on live television before, but apparently sometimes I don't watch the news because I'm a kid, and apparently every time, apparently Grandpa just gives me the remote after we watch the Powerball. It's the Powerball. Tell me about the ride. What did you think about the ride? Well, it was great. Why? Because apparently you're spinning around, and apparently every time you get dizzy. Yeah. The slowest dudes get dizzy. Is it fun? Yeah. And I've never, ever been on live television. I never, ever be on live television. Are you excited? Yeah, and apparently I already went down the super slide. When I went down the one, I was scared half to death. I just freak out. Bon, c'est pas vraiment lui, mais je trouvais l'interview de cet enfant charmant. Retour maintenant en musique, et au retour, la suite des nouvelles intéressantes sur des acteurs qu'on a oubliés. En musique, on écoute une nouvelle chanson de Blind Guardian. C'est mon ami Martin qui m'a envoyé ça dernièrement pendant que je survivais à la COVID. On écoute donc Deliver Us From Evil de Blind Guardian qui doit sortir un nouvel album en septembre de cette année. Suivra une chanson du groupe Amaranth et un nouveau single de Power Wolf nommé Saint by the Storm. On écoute ça. Why? Yes. Premièrement, on a appris la mort d'un personnage de nos passe-partout originaux. Donc, savez-vous quel personnage des anciens passe-partout nous a quittés dernièrement? Eh bien, c'est André. Je dois vous avouer que je m'en souviens pas trop, on le voyait pas trop souvent, c'était un grand frisé du style André Sauvé. Donc, André nous a quittés dernièrement à l'âge de 74 ans. Moi, je me souviens plus de lui pour l'émission Pop Citrouille. Là, on recule un peu plus. Pop Citrouille, c'était quoi? Ben, une émission d'ado remplie de sketchs absurdes. Voici un exemple pour vous montrer le ton de Pop Citrouille. Bon, assez de niaiserie pour aujourd'hui, là. Format TV, c'est fini. Ben, voyez. Bon, restez pas collés, là, hein? Un petit peu d'exercice, là. On se lève, puis on vient peser sur le piton. Une, deux, hein? Je vais me fâcher, moi, là, là. Venez farmer la TV. Hey, on va pas passer notre soirée ici, nous autres, là, là. Hein? On a faim, on est fatigué, on a hâte de s'en aller chez nous. Ah, ceux qui veulent regarder l'autre émission après, là, ben, vous la rallumerez, c'est tout, hein? Bon! Ah, ils ont compris. Bon, alors, repos tout le monde, là, on peut rentrer chez soi, ils ont enfin fermé leur poste. Hey, merci, merci. On était gâtés dans le temps avec nos émissions. On savait jamais à quoi s'attendre. C'est d'ailleurs dans Pop Citrouille que Normand Brathwaite avait présenté pour la première fois son clip « Les larmes de métal ». Quand je pense que je viens de casser avec Jojo, c'est effrayant. Ça se peut pas. Jojo, attends pas de même. Dis-moi quelque chose. Reviens. Oui, reviens. Oh, je suis malheureux. J'ai envie de... De crier mon désespoir, de chanter ma révolte. Oui, je vais chanter ma révolte. Je t'aime, c'est toi que j'aime. Pourquoi as-tu fait ça? Où es-tu? Je n'en peux plus. Dis-moi, pourquoi tu t'en vas? C'est une alarme, c'est un signal. Je verse des larmes de métal. Je crie, oui dans la nuit. Je crie ma tragédie. Je pleure pour toi mon cœur. J'ai peur, peur de mon malheur. C'est une alarme, c'est un signal. Je verse des larmes de métal. Bon, maintenant, lâchons un peu les nouvelles d'antan pour des nouvelles un peu plus fraîches. Il y a la sortie du film d'animation Super Mario Bros. Qui est repoussé en 2023. Les adeptes du plus célèbre plombier italien au monde devront s'armer de patience. La sortie du film d'animation, qui se déroule évidemment dans l'univers du personnage de Nintendo, est maintenant prévue autour de Pâques 2023 plutôt que décembre 2022. Plus précisément, le film doit sortir le 7 avril 2023 en Amérique du Nord et le 28 avril au Japon. Super Mario Bros. Mettra en vedette la voix de super vedette hollywoodienne, dont Chris Pratt qui incarnera Mario et Jack Black dans le rôle du roi des Koopa Bowser. Et c'est quoi le synopsis du film? Eh bien, les détails de l'intrigue ont été gardés secrets pour les acteurs pendant l'enregistrement. Donc, durant l'enregistrement, les acteurs, il y en a un qui a indiqué qu'il devait enregistrer son dialogue de différentes manières, après quoi les réalisateurs pouvaient sélectionner la version qu'ils pensaient être la mieux adaptée à la scène. Mais bon, entre vous et moi, je gagerais 10$ que le scénario va probablement impliquer Mario et Luigi qui sauvent une princesse et le méchant devrait être Bowser. Je ne suis pas nécessairement le public cible pour ce genre de film, mais je vais sûrement essayer de l'écouter une fois qu'il sera disponible en streaming. Autre nouvelle en lien avec Mario Bros que je lis à l'instant dans la presse. Fan de Mario Kart, votre jeu vidéo de course automobile préféré se transporte dans la réalité. Il y a Universal Studios Hollywood qui vient de dévoiler les premières images d'une nouvelle attraction qui est prévue pour 2023, qui se nomme Mario Kart Bowser Challenge. Dans ce manège qui commence dans le château de Bowser, les pilotes amateurs prendront place dans des bolides inspirés de ceux de Mario, Luigi, Yoshi et compagnie. Sous l'eau ou dans les nuages, ils feront la course contre l'équipe des méchants pour remporter la coupe. Donc attention aux carapaces. Et comment ils vont faire ça? Eh bien, c'est grâce à des lunettes de réalité augmentée que les participants seront plongés dans l'univers du célèbre plombier. Cette technologie interactive permet également de vivre une aventure différente chaque fois qu'on monte dans l'auto de course. L'attraction fera partie du parc Super Nintendo World qui ouvrira au début de 2023 à Universal Studios Hollywood en Californie. Pour les plus impatients, sachez qu'on trouve un parc et un manège semblables au Japon depuis un an. Moi, je ne suis pas fan de manège, mais je suis sûr que ça plaira à mon ami Martin qui a déjà été, je vous le rappelle, champion saguenéen de Mario Bros. Je ne me souviens pas de son score dans le jeu, mais c'est sûrement inscrit sur l'article de journal Le Quotidien que sa mère conservait dans leur chambre d'ordinateur. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Bon. The fact is, since then, many killings, murders, crime, drugs pouring across the border, our money going out and the drugs coming in. And I said, we need to build a wall. Bon, une bonne nouvelle pour ceux qui aiment Bruno Blanchette. Bruno est de retour. Bonjour, je suis Anne-Marie et bienvenue aux vidéos du public. Si tu veux gagner le concours, je te liche la cassette. Envoyez vos cassettes de drôles de une minute ou moins, parce que c'est pas long, à l'adresse qui apparaît en dessous de mes tétines. Pas des affaires de bébé qui mange de la litière ou des affaires de chien-chien qui liche minou. Non, des vraies affaires de drôle. Des vraies affaires de drôle. Donc, Bruno Blanchet est de retour dans une web-série qui se nomme La Mélancolie. Une fiction qui a été lancée sur ici-tout.tv. Joint chez lui à Bangkok, le Globetrotter nous parle de son plaisir d'avoir retrouvé son complice Guy Jodoin et les personnages qui ont marqué ses débuts, comme le petit monsieur Potkou jusqu'à Madame Totonski. C'est Guy Jodoin, collègue de la première heure de Bruno Blanchet, qui est atteint de mélancolite dans la web-série. Il passe ses journées à regarder d'anciens sketchs du duo à l'époque de « N'ajustez pas votre sécheuse ». C'est lui qui nourrit l'intrigue de la série, alors que Bruno parcourt le Québec à la course pour récolter des témoignages d'amour pour son ami et le sortir de sa torpeur. Cette intrigue est surtout un prétexte pour faire revivre les personnages des deux amis et la liste de ceux qu'on voit défiler dans la série est assez exhaustive. La chimie qui opère entre les deux interprètes, elle, reste intacte. On écoute la bande-annonce pour vous donner le goût. Moi, j'ai écouté l'épisode 1 et j'ai trouvé ça très bon. C'est absurde, évidemment. Je vous laisse donc regarder la bande-annonce. Il y a plein de monde connu qui joue là-dedans. Il y a Marc Labrèche, Guylaine Tremblay, Francis Reddy, Anne-Marie Lozic, Christian Bégin et plusieurs autres. Bref, si vous aimez Bruno Blanchette, ne vous privez pas. Je vous laisse écouter, regarder cette bande-annonce. Hey Bruno, es-tu vraiment obligé de courir demain? Vincent, pour la 100e fois, je te dis que oui. On va ramasser des témoignages d'amour pour Guy Jodoin. Mon oncle. Ton oncle qui mélancolise. La mélancolite, là, ça te pogne d'un seul coup. Tu te réveilles un matin et tu veux plus rien savoir du temps présent. Tu veux juste revivre le passé. Pourquoi tu regardes des vieilles affaires? Tu ris tellement de monde. Ah ouais, tu penses? Moi, c'est gros, Jim! T'es ton sombrette. Tu sais, toi puis Guy, je les écoutais pas vraiment dans le temps. C'est trop niaiseux, tu sais. Mais ça rentre pas. Non, ça rentre pas. Il va finir par me rendre folle avec ces personnages idiots. Bruno Blanchette va bientôt savoir ce que c'est que de rire des gens. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle? Non, c'est pas drôle. Moi, je fais du Muay Thai. C'est pas le plus avec des nouilles et des crevettes, ça. Mais non. Ça, c'est du bad thai. Je vais partir quelques jours pour... Pourquoi? Pour aller rencontrer du monde qui vont m'aider à t'aider. Mais je voulais pas que tu partes. Je vais m'assurer que quelqu'un vienne te rendre visite chaque jour. What you gonna do? Là, faut faire attention, il y a une ninja dans la gang. Une ninja? T'es-tu la fille de Guylaine pis Bruno pour vrai? Coucou! Je me fais attaquer par des coucous enragés. Des coucous! Je m'appelle Bruno et l'histoire qui suit, elle est presque vraie. Parce qu'elle est quasiment basée sur des faits vécus. Autre nouvelle, ça n'arrête pas. Le passé a pas fini de nous hanter. L'agent le plus tordu du FBI, Red Ketchup, va renaître en dessin animé à l'hiver 2023 sur Télétoon. Red Ketchup a fait la pluie et le beau temps dans la revue Crow avant d'exister dans trois albums qui ont été publiés entre 88 et 94, avant de faire un saut chez Safari. Donc, pour ceux qui aimaient le suivre, il sera de retour bientôt à Télétoon. On écoute sa bande-annonce. C'est un agent spécial du FBI. Vraiment très spécial. Sa raison de vivre? Défendre son pays. Ses méthodes sont dangereuses et sans limite. Grâce à l'industrie pharmaceutique, il ne connaît ni la douleur, ni la peur. Il ne recule devant rien pour combattre le mal. Ou l'idée qu'il s'en fait, en cette époque de la guerre froide. Préparez-vous à de sérieux dommages collatéraux. Le monde s'apprête à voir rouge. Autre nouvelle, le trio derrière Turbo Kid prépare un film de zombies nouveau genre. François Simard, Anouk Wissel et Johan Carl Wissel réaliseront la comédie d'horreur We Are Zombies. Là, je suis pas mal déçu, je dois vous le dire. Moi, j'aurais préféré une suite à Turbo Kid. Donc, on va bouder leur nouveau film et on va écouter la bande-annonce de Turbo Kid. Si vous l'avez pas vu, c'est un bon film avec la bonne musique du groupe Le Matos et avec Laurence Leboeuf qui est très bonne dans son rôle. On l'écoute. Avec mon Turbo Glove, l'arme ultime contre la menace robotique. Mais pour être un vrai héros, tu vas devoir sauver ta petite amie. Salut! Qu'est-ce que t'as dans les mains? C'est un comics? Ça parle de quoi? Ça parle de Turbo Rider. C'est génial! Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait là-bas. C'est un peu poussiéreux et gris. Je pourrais te montrer si tu veux. Ici, nous faisons les choses avec un peu plus de joie de vie. Où est-elle? Relâchez la fille! Ça va saigner. Comme vous le savez, la situation est critique. Le nombre de victimes maximum a été atteint. Et tu es censé être qui exactement? Turbo Rider. C'est la fin, soldat. Il nous faut frapper ces satanées machines avec tout ce que nous avons. Trouve-les, tue-les et rapporte-moi leur tête sur des pics. Je vais retrouver une vieille connaissance. On va directement chez Zeus. Alors le kid. Allons-y. Est entre vos mains. J'aurais aimé être un peu plus comme le vrai Turbo Rider. Mais tu peux sûrement être Turbo Kid. Encore des nouvelles, cette fois une nouvelle un peu plus triste. On apprend que la doyenne de l'humanité est morte. C'était une japonaise qui était officiellement reconnue comme la doyenne de l'humanité. Elle est décédée le 19 avril à l'âge de 119 ans. Mais vous serez peut-être heureux d'apprendre que la doyenne de l'humanité maintenant est québécoise. Il s'agit de la chanteuse Michèle Richard, âgée de 76 ans, qui visuellement a l'air d'avoir 120 ans. Donc bravo à Michèle, qui a pourtant dans sa jeunesse été une jolie femme. Oh, oh, oh, nouvelle d'importance. L'industrie alimentaire nous rend accro aux croustilles. Et oui, tout le monde mange des chips. Et la pandémie n'a fait qu'exacerber notre désir d'en manger toujours plus. L'industrie, elle, met tout en œuvre pour nous séduire et nous rendre plus accro. Donc, ce qu'on apprend dans cet article, c'est que l'industrie agroalimentaire sait comment nous avoir. Texture, gras et sel, c'est le mélange magique qui fait danser nos papilles gustatives. Tout le monde mange des croustilles et la pandémie n'a fait qu'exacerber notre désir d'en manger toujours, toujours, toujours plus. Bon, d'après ce que je lis, environ 97% des Canadiens ont mis un sac de croustilles dans leur panier à leur dernière visite à l'épicerie. Et chaque foyer en achète en moyenne une fois par semaine. L'industrie engrange donc des ventes de plus de 2 milliards de dollars en vente de chips par année. Et vous? Est-ce que vous avez des chips dans l'armoire? Moi, je vais aller valider si je me suis fait avoir par l'industrie. Donc, petite interlude, je reviens dans 15 secondes. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai et je continue à faire lutter. D'attendre, t'as fait les temps, t'es tout dans les deux. T'as les tout dans les deux, t'es les temps, t'es tout dans les deux, t'es les deux. Bon, je sais pas si l'industrie alimentaire a réussi à me berner, mais je pense que oui, car j'ai pas mal de sacs de chips dans l'armoire. Et voici le décompte. 4 gros sacs de Tostitos pour manger avec de la sauce. Ensuite, décompte des sacs de chips normales. 1 Lay's au ketchup, 1 Lay's classique, 3 de Ruffle nature, 2 Lay's barbecue, 1 Lay's au vinaigre et un petit sac de crispy mini barbecue. Donc, on parle de 12 sacs de chips dans l'armoire. Faut croire que j'ai eu besoin de pas mal de réconfort durant la pandémie. Bon, voilà pour les nouvelles. Un peu de musique. Et au retour, la suite de ce Lobster 119.0. Merci d'être là. Que dit, faut pas que ça monte à la grossie. Je me tape fond sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas, à force de me priver de manger, je laisse ta mort tatiner. Ça va venir, puis ça va venir, mais de pour. J'ai écrit ton nom plus le mien, dans le croche des capucins, en couleur, pas loin de la grève. Tu sais, je suis jaloux de ton rouge à lèvres. Mais quand tu penses m'embrasser devant tous les gars de la shop, juste le goût d'aller m'en vanter. Heureux comme un chien dans une boîte de pick-up. Enlève-moi comme au cinéma. Tu dis qu'on pourrait faire, qu'on pourrait faire mieux. Tu dis qu'on pourrait faire, qu'on pourrait faire mieux. Ils vont lancer dans le ciel, ils en ont parlé aux nouvelles. Un voyageur qui ira jusqu'au bout. Une carte postale qui parle de nous. C'est évident, je sais tout ce que j'aurais mis dedans. Ouais. Demande-moi, demande-moi. Deux, trois, quatre jours de fête, coupe de congé, de tempête. Demande-moi. Tu dis qu'on pourrait faire, qu'on pourrait faire mieux. Des chemins de rein, des feux de joie, du bon temps, des passes droits, ton sourire puis des bonnes tonnes. Gâteau pis des ballons. Non, rien de tout ce que t'haïs. Juste plus de poésie. Demande-moi du vouloir, de la beauté, des histoires, pis les clés de mon genre. Et à la place de l'hymne national, je mettrai ta photo de reine de carnaval. Est-ce que tu voudrais me marié? Tu dis qu'on pourrait faire, qu'on pourrait faire mieux. Tu dis qu'on pourrait faire, qu'on pourrait faire mieux. Tu dis qu'on pourrait faire, qu'on pourrait faire mieux. Tu dis qu'on pourrait faire. Pense à toi, je t'écris d'une trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Chapter. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles, un soleil au bout de ma vie. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Et du dimanche aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout, n'aie pas d'inquiétude. C'est un hôtel à brûler. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil. Bon, parlons encore un petit peu de nains. C'est mon frère qui m'a envoyé cette nouvelle cette semaine. Il y a la série Willow qui sera en ligne sur Disney+ à la fin du mois de novembre prochain, une série fantastique imaginée par George Lucas. J'imagine que vous vous souvenez du film, mais bien sûr, la série va se dérouler plusieurs années après les événements qui sont relatés dans le film. Au royaume enchanté des fées et du dragon à deux têtes et Borsix, de nouveaux personnages feront leur apparition, mais on retrouvera également Willow of Good, le nain amateur de magie. Mais quoi de mieux qu'une bande-annonce pour nous mettre dedans? On l'écoute. Il est une légende. Celle d'une enfant destinée à devenir impératrice. Et d'un héros improbable. Censé la protéger. Jusqu'à ce jour. En ce monde, toutes les choses s'équilibrent. La lumière et l'obscurité. Le bien et le mal. Quand cet équilibre est perturbé, l'univers le rétablit. Ce monde a encore besoin de toi et de ta magie. Le royaume de l'inconnu. Voilà où nous devons aller. Donc, Willow sera de retour dans cette série, mais qu'a-t-il fait ces dernières années? Il n'a pas chômé d'après ce que je peux lire sur sa fiche wiki, donc on prend un petit peu le temps pour en lire des bouts. Donc, atteint d'une forme complexe de nanisme, de la dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale, Warwick Davis mesure 1,07 m et a 52 ans. Il est britannique, son père est courtier en assurance et sa mère femme de ménage, tous deux sont de taille moyenne. Alors que Warwick Davis n'a que 11 ans au début des années 80, sa grand-mère entend à la radio que c'est la production du Retour du Jedi qui recherche des gens de petite taille pour le rôle des Ewoks. Rôle des Ewoks. destinée à la figuration, il a finalement le rôle principal du brave Wicket lorsque l'acteur Kenny Baker tombe malade. Sur le tournage, il sympathise avec Carrie Fisher et Mark Hamill qui lui achètent des jouets Star Wars. Oh, c'est cute, ils donnent des petits cadeaux. Par la suite, il reprend le rôle de Wicket dans deux téléfilms de la franchise Star Wars, soit L'aventure des Ewoks en 84 et La bataille d'Endor en 85. En 87, il rencontre Ron Howard et retrouve George Lucas, pour jouer le héros principal dans le film Willow aux côtés de Val Kilmer, où il incarne un petit homme de la race des Nilwyn chargé de protéger un bébé d'une reine maléfique. Ce sera sa première expérience d'acteur à visage découvert. En 88, il intègre la distribution d'une version télévisée du roman Le Monde de Narnia. Ah, il a joué dans ça. 20 ans plus tard, 2008, il tient le rôle du nain Nicabrick dans l'adaptation cinéma du même nom, donc un film de Narnia. Il a joué là-dedans. Il est aussi connu pour être la vedette de la saga horrifique Leprechaun. Moi, j'ai pas vu ça. On dit que c'était un maléfique farfadet irlandais dont il a repris le personnage à 6 reprises. En 1999, il fait des apparitions dans La menace fantôme, dans le rôle de Rodian Ward, un ami d'Anakin Skywalker, je ne me souviens pas, et le parieur Wizzle assis aux côtés de Watto pendant la course de Pod. Il joue également Yoda. Il a joué Yoda, bon, dans les scènes où ce dernier marche. Il a été remplacé en 2011 par des effets numériques. Bon. On le retrouve ensuite à l'affiche des adaptations cinématographiques de Harry Potter, dans lesquelles il interprète deux rôles, celui du professeur Filius Flitwick ainsi que le gobelin Grispeck. Ah oui, le gobelin là, qui répond là, quand ils vont chercher quelque chose dans la cave là, ou dans la banque. Ensuite, il incarne ensuite Marvin, l'androïde paranoïde, dans le film H2G2. Je connais pas ça. Le guide du voyageur galactique sorti en 2005. Non, je me souviens pas de ce film. Quand même, on peut dire, bon, on arrête là. Il a quand même eu une belle carrière. Il a joué dans beaucoup de films que j'apprécie. Bon, maintenant, on passe à qui? On passe à Ricardo Montalban et à Tatou de l'émission L'Île Fantastique. Moi, j'écoutais ça quand j'étais plutôt jeune. La série raconte l'histoire d'une île paradisiaque où n'importe quel désir peut se réaliser. Donc, les gens ils viennent sur l'île, puis l'autre, c'est Monsieur Rourke qui est accompagné de son fidèle assistant Tatou. Et si je me souviens bien, il y avait toujours deux ou trois personnes qui arrivaient sur l'île pour vivre leur rêve qu'il avait souhaité. Bon, des nouvelles de Ricardo. Ricardo Gonzalo Pedro Montalban Merino est né le 25 novembre 1920 à Mexico et mort le 14 janvier 2009 à Los Angeles d'une crise cardiaque. Mais il a eu une carrière remplie, il a joué dans plein de films, les plus connus étant évidemment pour moi son rôle dans L'Île Fantastique. Et ensuite, Señor Armando dans deux films de la saga La Planète des Singes. Ça, je pourrais vous dire... Pour être franc, je ne m'en souviens pas, mais je lis que Señor Armando était propriétaire d'un cirque, ami humain de Cornelius et Zira, et père adoptif de César dans les films. Donc, il a joué dans les grands films. Et finalement, un autre grand rôle, celui de Kan Noonien Singh dans la série télévisée Star Trek et le film Star Trek 2, La colère de Kan, ça je m'en souviens. Maintenant, notre ami Tatou, bon, il est mort aussi. Hervé Vilchaise, né le 23 avril 43 à Paris et mort en 93 à Hollywood en Californie, était un acteur français. Il est mondialement connu pour son rôle de Tatou, l'assistant de Monsieur Rourke dans la série L'Île Fantastique. Il interprète également l'homme de main Trick Track dans le film L'Homme au pistolet d'or, 9e film de la saga James Bond. Son anis ne fut pas sa seule infirmité puisqu'elle avait des poumons atrophiés. Ah, le chanceux! Fait intéressant, à propos de son rôle dans L'Île Fantastique, en 83, il se heurte au producteur de la série L'Île Fantastique après avoir exigé de gagner autant que l'acteur principal Ricardo Montalban et au lieu de lui donner une augmentation, ils l'ont tout simplement renvoyé. Bon, ça va bien. La série continue sans lui, mais cesse au bout d'un an. Ah, c'est à cause de ça que ça finit. Le public n'était plus au rendez-vous en l'absence de Tatou. Bon, après son éviction de la série de l'île fantastique, Hervé Véchez tombe dans la mélancolie et rate plusieurs rôles qui lui sont proposés. Dès lors, il tourne très peu. Bon, ça l'a magané. Dans l'après-midi du 4 septembre 1993, il est à son domicile situé au 11537 Killian Street à North Hollywood. Après avoir regardé à la télévision Le Magicien d'Oz, c'est précis ce qu'il a fait, il écrit un mot et enregistre une cassette avant de se suicider. Bon, c'est pour ça. Avant de se suicider par balle dans son salon. Bon, c'est pas trop intéressant. On va faire d'autres choses. Bon, je vais aller voir sa maison dans Google. Donnez-moi deux secondes. Donc, vous pouvez aussi entrer 11537 Killian Street, North Hollywood dans Google Maps. On voit que c'est une petite maison jaune. D'après moi, c'est ça. C'est la couleur de la maison qui ne l'a pas aidé. C'est triste, une maison jaune pâle. En plus, j'ai regardé, on peut regarder autour, là, on voit chez les voisins. Et le toit des voisins à droite, le toit du garage, il est tout délabré. Bon, il habitait pas trop dans un beau coin. Bon, si vous allez voir, vous allez même voir que la poubelle bleue devant la maison, la poubelle bleue de récupération, est toute défoncée, est toute brisée. Bon, on est peut-être un petit peu dans les détails inutiles. Et je crois que c'est le temps de mettre fin à ce Lobster 119.0 où j'ai parlé de pas mal de choses quand même. Et on a quand même parlé beaucoup de nains. Donc, pour ceux qui en veulent plus, j'imagine que vous pouvez poursuivre le tout sur Facebook. Il y a sûrement des pages d'amateurs de nains. Bon, vu que je suis sur Internet en ce moment, on va taper. Si on tape « nains » dans Facebook, qu'est-ce qu'on trouve? Ça me sort quoi? Ça me sort « Communauté des nains et naines du Québec ». Ah, un groupe. Attends, si on rentre dedans. Ah, s'il n'y a pas eu de... C'est un groupe de 2016. Oh, non, donc c'est pas bon. On va aller voir ensuite un autre groupe. « Élevage de lapins, de béliers nains ». Non. Élevage cœur de pomme, spic nain, poméranien, non. Lapin nain conseil, non. Élevage de lapin nain, les petits biscuits, non. Bon, ça veut dire, si vous aimez les lapins nains, vous pouvez être gâté en tapant nain dans Facebook. C'est juste des groupes de ça. Donc, voilà pour ce Lobster 119.0. Et bon, pour bien terminer, on se laisse sur une phrase à réfléchir. Un nain assis sur la plus haute marche est plus haut qu'un géant debout sur la plus basse. Merci. Bonne fin de Lobster. Hey, hey, oui, encore moi. Hey, j'ai trouvé un vieux Vox Pop tiré des archives de Radio-Canada. C'est en 1966. Des passants expriment leurs opinions sur la mode des cheveux longs chez les hommes. C'était l'émission Femmes d'aujourd'hui, le 12 septembre 1966. On écoute ça, c'est quand même comique. Pourquoi les cheveux longs? Pourquoi les cheveux longs? Ouais. Bon, ça me plaît, j'aime ça. Pauvre fou, il sait pas quoi faire de son corps. Il serait mieux de travailler puis de se faire couper les cheveux. Pourquoi je porte les cheveux longs? Parce que j'aime ça. Ouais. Simple raison, pas d'autre raison du tout. Pour moi, ils ont l'air plutôt catiches, hein? Avant, qu'est-ce que où tu travaillais? Hein? J'étais barbier. La barbier. Ah, tu sais. Est-ce que c'est parce que t'as trop vu de cheveux que t'as décidé de les laisser pousser? Ben, moi, ça, j'étais un peu tanné, je peux pas me laisser pousser. Pour les autres, les policiers, nous autres, on est les pires bandits qu'il n'y a pas dans Montréal. Mon Dieu, ils devraient y mettre en prison. C'est ce qu'ils font? Ouais. Est-ce que les policiers ont le droit, d'après vous? Ben, certainement, ils ont le droit. Quelle raison qu'ils sont arrangés comme ça? Ça finit par faire des FLQ et des sortes d'histoires comme ça, les gens. Ben, c'est bien ça, monsieur. Oh, je trouve ça abominable. C'est mal propre. Ah! Oh, si j'avais un mari de même, moi, je pense que je flamberais la tête. Ah, en quatre morceaux. Pas plus de trouble parce qu'ils ont un cheveu long. Oh non. Même, j'ai remarqué qu'il y en a plusieurs qui ont un cheveu long, tout, puis ça doit être un trouble, des peignés, puis des arrangés, puis ça. Non, c'est assez propre. Moi, mon père, pour même c'est une police, fait que quand j'ai un cheveu long, on peut pas trop drôle ça. Ton père est police? Oui, c'est la troisième fois qu'on va faire parquer. Pas moyen d'avoir de protection? Non. Parce que là on, apparemment, là, ils vont nous laisser, nous autres aussi, les cheveux assez longs. Suivre la vague. Ouais. Comme ça, les policiers vont avoir les cheveux à la Beatles, oui, non? Oui, pas sûr. Non, pas à la Beatles, mais... Vous aimez les cheveux longs? Non, j'aime pas les cheveux. Pas les cheveux longs. Je trouve ça très bien. Ouais. Qu'ils peuvent se mettre contre la société parce qu'ils en ont envie à 17 ans. C'est pas ça mal propre. Je trouve pas ça beaucoup un garçon. Ils ont peur des femmes d'aujourd'hui. Pourquoi qu'ils ont les barbiers? Pour un petit peu plus tard, quand ils sont trop longs. Bah non. Ils ont une certaine individualité de certaines façons. Ils ont pas peur de reporter ce qu'il y a. Les cheveux longs, c'est bon pour les hommes qui n'ont pas de personnalité. Ça les aide. Le gars qui veut, ben, je vois pas pourquoi il ferait pas. Moi, je n'ai rien contre parce que, après tout, je me rappelle lorsque j'étais jeune, je me peignais, moi, à Valentino. Disons, c'est une autre mode. Et puis, en plus, ça dégage. Ils veulent exprimer une espèce d'esprit. Bon, l'esprit d'indépendance, bien différent des autres. C'est jeune. Et ils vieilliront comme moi et puis ils deviendront plus conservateurs un peu. Avec le temps, les cheveux retourneront. Ah, également, évidemment, bien sûr. Leurs enfants recommenceront. Ah, c'est ça, avec une autre façon, je crois bien. Je pense que celles qui aiment beaucoup les, disons, les Beatles, qui ont été à peu près les premiers à porter les cheveux longs, sont des jeunes filles de 13-14 ans, qui sont justement dans leur période qu'on appelle bisexuelle. Plus tout à fait garçonnière, pas tout à fait encore jeune fille. Et si elles aiment tant des gens comme les Beatles ou Tony Roman ou ceux qui portent les cheveux longs, c'est que ces jeunes garçons leur présentent une image de la virilité qui n'est pas trop crue, si vous voulez, qui ne leur fait pas peur, qui en quelque sorte, je dirais pas efféminée, mais romanesque. Et je crois que ces gens, peut-être sans le savoir, instinctivement, ont su... créer des personnages qui plaisaient aux jeunes filles à cause de leur situation psychologique bisexuelle. Là, je parle des jeunes filles. Alors, je n'y verrais pas du tout un phénomène de dévirilisation, mais, disons, une espèce d'état ambigu. C'est pas tout à fait la virilité, mais il ne s'agit pas du tout, à mon avis, d'homosexualité. Et si les jeunes garçons, en général, adoptent ces cheveux longs, c'est parce qu'ils sentent bien que ça plaît aux jeunes filles de 13 et 14 ans. Barbie's Resto Bar Grill, quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbie's Resto Bar Grill. We'll be right back. that's mounting over years is the words that were never spoken that echoes through the times. It's the smell of the burning temple swept away by lies. It's the truth of candor shown through a prism of deceit. It's the kindness of bishops with their choir boys en suite. It's the tongues of an adulation that licks to no avail. It's the noise of a righteous dogma that hides the inmate's tale. The stench of the heavens, long ago, yet bon, je te dis vrai. On n'est pas le pain à l'envers. Ça porte malheur. On vous a pas appris ça en Carmélide? Non, en Carmélide, on m'a appris à pas tripoter le pain du voisin, déjà. Ça se fait pas, c'est tout. Sans blague. Vous avez rien à faire à part retourner le pain? Si, je pouvais retourner une tarte si le cœur vous en dit. Il est drôlement chouette, votre petit couteau. Vous avez rien à faire, vous. Non. C'est le genre de couteau personnel qui vous quitte jamais, ou c'est un couteau, vous vous en foutez? Je suis sûr qu'il y a au moins une chose que vous êtes capable de faire dans ce campement. Non, ils veulent pas. Soi-disant, je fous la merde. Parce que moi, j'en ai un de couteau. Le même depuis des années. Et il en a vu, hein. Pâté, fromage, saucisson. Mais si je le pète une fois, je m'en fous, je le change. C'est pas obligé d'être ce couteau. Vous avez conscience que je vous écoute pas? Ça va, on parle. Ah non, non, non, non, on parle pas là. Non, vous parlez tout seul. C'était juste pour savoir. Mais pour savoir quoi? Qu'est-ce que ça peut vous foutre, ce que je pense de mon couteau? C'est histoire de causer. Bon, ce couteau est la seule chose qui m'a été transmise de mon père, le roi Ban. Je le conserve comme une relique, le considère comme mon porte-bonheur. La foi que je lui porte est l'unique moteur de mon courage. Je lui dois ma combativité et mes victoires. Ça vous va, ça? Vous lui devez vos victoires? Sans aucun doute. Vous pouvez me le prêter? Bon, écoutez, trouvez-vous un porte-bonheur à vous, crétin. Foutez la paix à mon couteau et allez casser les pieds à quelqu'un d'autre. Parce que mon couteau pour le pâté, y a rien à faire. Je m'en tape. Mais qu'est-ce qu'il fout, l'autre? Il arrive. Il se galère un peu avec son truc. Quel truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous êtes dingue! Faudrait trouver un genre de mousqueton pour le mettre à la ceinture. Mais vous l'avez pris, ce machin? Vous êtes barré, non? Pourquoi vous l'avez pas laissé accrocher à la selle du cheval? Bah non, ça sert à rien. Faut que je l'ai avec moi quand il y a des méchants. Quand il y a des méchants, ils vous font un chaudron? C'est pas un chaudron. C'est le compotier de sa grand-mère. Là où elle faisait les confiotes, à la mûre, à la griotte. C'est sentimental. Mais enfin, on est en mission furtive, bon Dieu, qu'est-ce que vous venez nous emmerder avec le compotier de votre grand-mère? C'est mon porte-bonheur. Tant qu'il est là, il peut rien m'arriver. Merde, j'en ai pas, moi. Vous croyez que ça craint? Vous allez pas faire un boucan pareil sur tout le trajet, si? Si on se fait repérer, on va se faire crever. Ça risque rien, j'ai mon porte-bonheur. Ouais, mais ça marche que pour vous. Le roi et moi, on est à la merci. À la merci de quoi? De quoi? Faut mettre un truc après merci? Ouais, je crois. Sire, on peut dire merci sans rien derrière. Non, mais laissez-le là, ce machin. On le reprendra au retour. Non. Déconnez pas, sire. On est trois à la merci sans rien derrière. Chut, mais parlez moins fort, mon Dieu, on vous entend à 30 bords. Je m'en fous, je le garde. La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils. Il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop. Mais taisez-vous, c'est pas vrai! Ça va, on parle pas si fort. Il est pété! Ça y est, il va m'arriver un truc! Mais de toute façon, au lit, vous risquez rien. On sait jamais. Mais enfin, comment voulez-vous qu'on dorme? Je ne me sépare pas de mon porte-bonheur. Au moins, est-ce qu'on peut mettre ça dedans? Ça fera un peu de place. Mais non, ça va gâcher l'odeur du cuivre. Vous sentez pas qu'il reste comme un fond de purée de cerise? Et c'est pourquoi il est fortement recommandé, en présence d'un chef d'État, de tenir sa main sur le pommeau de l'épée. C'est une manière élégante de signaler à l'Assemblée que l'on est conscient et instruit de son rôle de protecteur. Avez-vous des questions? Oui, Yvan. Quand vous dites que c'est une manière élégante, est-ce que ça a un rapport avec la coupe de cheveux? Qu'est-ce qui a un rapport avec la coupe de cheveux? Ben, c'est élégant ou pas? Ce qu'il veut dire, c'est que l'apparence peut être trompeuse. Non, non. Ah non? Non, non, je veux juste savoir si c'est élégant. À ce sujet, je ne puis m'empêcher de vous narrer une croustillante anecdote. Je n'étais alors qu'un tout jeune chenapan au service du roi Ban. Un jour, que le roi recevait un chef barbare dont le nom m'échappe totalement aujourd'hui... Maître d'armes, il faut que je vous voie. Avec joie, sire. Est-ce que cela peut attendre la fin de ma classe? Non. Ah, c'est urgent. Non, simplement ça me gonfle d'attendre, donc vous vous pointez. J'arrive, sire. Voilà, je vous attends à la table ronde. Maniez-vous parce que c'est précis. Oui. Qu'est-ce que vous foutez assis, vous? C'est le rhumatisme ou vous avez de la résine sur les miches? Bah, mon oncle. Ils vont se lever quand on a de la famille. Ah! Seigneur Perceval, vous tombez bien. Pas spécialement, non. Enfin, je me débrouille toujours pour me rattraper à quelque chose. Le roi me fait mander et je suis en pleine leçon avec les jeunes chevaliers. Ça m'embête de les laisser comme ça, tout seul. Vous pourriez peut-être me remplacer un moment. Vous leur racontez une aventure un peu palpitante, vous leur apprenez deux ou trois ficelles et hop, le tour est joué. Vous voulez que je leur donne un cours? Ils seront ravis. Allez, impressionnez-les. Le Graal, c'est une vraie saloperie, méfiez-vous. Un jour, c'est un vase, une semaine après, c'est une pierre incandescente. Yvain ? Gauvin. Gauvin. Que signifie incandescente, seigneur Perceval ? Incandescente, c'est qui peut accaparer des objets sans ressurgir sur autrui. Bon, alors maintenant, la technique du rebrousse-chemin. Mettons que vous soyez en déplacement militaire. Première chose, vous vous arrangez toujours pour être vers l'arrière de la troupe, pour éviter les attaques par devant. Mais pas trop non plus, pour éviter qu'on vous fonce dans le cul. Après, il faut bien retenir le code du chef de file. S'il dit à l'attaque, à l'assaut ou chargé, vous partez vers l'arrière pendant que la troupe avance et vous rentrez à Kaamelott. C'est le rebrousse-chemin. Gauvin ? Yvain. Yvain ? Et quand le chef de file dit « établissez le campement ». Non, mais ça, c'est pas un vrai ordre. Moi, j'ai jamais pigé. Personne bouge, tout le monde monte les tentes. Non, c'est pourri. Bon, alors maintenant, ouvrez bien vos oreilles, parce que je vais vous apprendre ma botte secrète. Quand vous entendez un mot que vous comprenez pas. Perceval, mais qu'est-ce que vous foutez ? Ça fait une plombe ! Ça fait une plombe que je vous cherche. On vous attend à la table ronde. Et c'est le maître d'armes. J'en ai de la foutre du maître d'armes. Vous pointez. Vite fait, vous leur balancez un conseil de pro. Et c'est bon. Moi, je ferai bien, mais il faut que je me tire. Vous allez vous débrouiller. Je vous fais confiance. Allez, je vous laisse. Je vais me faire charcuter. Faut pas faire du mal aux lapins. Et le caca des pigeons, c'est caca. Faut pas manger. Comme vous dites, les lapins... Est-ce que ça marche pour les lièvres aussi ou pas du tout ? Pas du tout, les lapins, c'est gentil. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre amitié avec une truite. Le poisson ! Le petit poisson !